إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد يا أخوتي الكرام، قبل أن ندخل في صلب الموضوع أريد أن أتقدم بين يدي الدرس كلام في أمر مهم في غاية الأهمية، ألا وهو أمر التوحيد. التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى على العباد، فهو أوجب الواجبات وأحق الحقوق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه سائلا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فالتوحيد هذا الأمر الخطير هو ما جاء به الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجله خلق الله العباد، بل خلق الله السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى ربنا خلقنا لثلاثة أمور أو لثلاثة أهداف: خلقنا لعبادته، وخلقنا لنعرفه من خلال أسمائه وصفاته، وخلقنا للامتحان والبلاء. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان الذي يموت على الشرك أو الكفر والذي لم يحقق التوحيد فهو على خطر عظيم، لأن الله تبارك وتعالى وعده بنار جهنم خالدين فيها، ونسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإنسان خلق لأجل عبادة الله تبارك وتعالى وليفرده في عبادته، هذا هو الأمر الأول والحكمة الأولى من خلق الإنسان وإيجاده. الأمر الثاني لأجله خلق الإنسان أن الله تبارك وتعالى خلقه ليصل إلى معرفته من خلال أسمائه وصفاته، مصداقا لقول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى أخبرنا من تلك الآية الكريمة أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن، والأمر الكوني والشرعي ينزل بين السماء والأرض. لماذا؟ فالله تبارك وتعالى أخبرنا بالحكمة وراء ذلك ويقول: لتعلموا أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم الكامل والقدرة الكاملة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله تبارك وتعالى خلقنا للابتلاء والامتحان، يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع الأسف الشديد يا إخوتي الكرام، نعيش في زمن الفتن، يكثر في الأمة المحمدية الشرك بأنواعه وأشكاله وصفته. فممن ينتسب إلى الإسلام يستعين بالأموات ويستغيث بهم ويستشفع بهم ويتقرب إليهم بالقرابين، أو يتقربون إلى الله باتخاذهم وسائط بينهم وبين ربهم، فكل هذه الأمور التي تنتشر في هذه الأمة هي من الشرك بالله. والإنسان إذا مات على ذلك يكون كافرا مرتدا، ومآله ومصيره إلى نار جهنم وبئس المصير. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولذلك يا أخوتي الكرام، أردت أن أقدم درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه الموعظة وهذه النصيحة، أن نحقق في أنفسنا التوحيد عقدا وقولا وعملا ودعوة وسلوكا وخلقا وحالا في أنفسنا وفي أنفسنا، في جميع حركاتنا وسكناتنا. فإن لم نفعل فنكون على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نكوتينيو إن شاء الله تبارك وتعالى نكور سور جور دو جوجمون. Et nous étions arrivés à l'Hisab ou al-Jaza. Nous avions donné beaucoup de détails concernant le déroulement du jour du jugement, et nous avions essayé de suivre l'ordre chronologique des choses. Et, inshallah tabaraka wa ta'ala, nous allons parler aujourd'hui de choses très importantes, aussi importantes que celles de nos cours précédents. Le jugement, ce jour-là, sera sur la base de la justice, de l'équité et non de l'injustice. Allah tabaraka wa ta'ala, ce jour-là, à travers plusieurs choses, montrera sa justice parfaite. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala s'est appelé Al-Adl, Al-Adil, c'est lui qui est doué d'une justice parfaite, et par conséquent, il n'est pas touché par l'injustice tabaraka wa ta'ala. Ceci est corroboré par un hadith qudsi rapporté par l'imam Muslim d'après la version de Abi Dharr al-Ghifari, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ibadi, inni haramtu al-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je vous la décrète interdite entre vous. Ne soyez-vous pas injustes les uns envers les autres. إذن يقول الله تبارك وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Puis nous rétribuerons chaque personne ou chaque âme pour ce qu'elle a acquis, et ils ne seront point lésés au final. ويقول الله تبارك وتعالى، et les versets abondent dans ce sens: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala ne fera d'injustice ne serait-ce que le poids d'un atome. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fera le poids d'un atome de bien, il le verra, et celui qui fera le poids d'un atome de mal, il le verra. وَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Quant à ceux qui feront des œuvres pieuses, hommes ou femmes, et qui sont croyants, alors ceux-là rentreront au paradis et ne seront point lésés, ne serait-ce que par ceux qu'il y a dans la pellicule d'un nouveau taf. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, afin de nous montrer sa justice ce jour-là, ne fera pas porter à la personne les péchés d'autrui et les fardeaux d'autrui. Chacun cueillera le fruit de ses actes et personne ne récoltera les mauvaises graines que les autres ont pu semer. يقول الله جل وعلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. C'est le verset numéro 15 de la sourate numéro 6. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et chaque âme aura ce qu'elle aura avancé, et personne ne portera le fardeau d'autrui. Puis c'est vers votre Seigneur que vous serez ramené, et il vous informera au sujet de ce sur quoi vous divergez. D'ailleurs, ceci a été aussi annoncé dans les premières générations d'êtres humains. Et ceci, en fait, nous prouve que c'est un décret qui est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas et qu'il n'est pas assujetti à l'abrogation. Allah dit tabaraka wa ta'ala, أَوَلَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Sourate numéro 53. Allah dit tabaraka wa ta'ala, n'ont-ils pas été informés de ce qu'il y avait dans les écrits et dans les feuillets de Moussa et Ibrahim aussi, qui a scrupuleusement respecté ceci, à savoir que chaque âme ne portera pas, où toute âme ne portera pas le fardeau d'une autre, et que l'homme aura que ce qu'il aura présenté ce jour-là comme acte, et que tout ce qu'il aura présenté et tous ses efforts seront présentés devant lui, puis il sera récompensé en bien ou en mal pleinement. Or, sur la base de ceci, il se peut que certaines personnes porte le fardeau d'autres personnes, mais ceci pour une raison bien précise. C'est que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, c'est lui qui montre une mauvaise voie dans l'islam, fa'umila fima ba'dahu, et que cette chose là est appliquée et suivie, alors cette personne là l'instigateur de cette sunna portera le fardeau et le péché de tous ceux qui suivront cette chose-là. Autrement dit, toute personne qui appelle au mal portera le péché de toutes les personnes qui commettront ce mal-là. Et ceci, bien sûr, relève de la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa salamata wa al-afiyah. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fi l'islam sunnatan sayyi'atan fa'umila fi ma ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wa la yunqasu min awzarihim shay'un. Celui qui instaure ou qui instille mauvaise chose dans l'islam, alors, et que cette chose-là est appliquée et suivie, alors il portera le péché de tous ceux qui la commettront, sans que leur péché à eux, aux suiveurs, n'en soit diminué. Aussi, ce qui nous prouvera la justice d'Allah ce jour-là, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala montrera sa connaissance parfaite de tout ce qu'aura avancé le serviteur. D'ailleurs, la plus grande preuve de ceci, c'est que, et nous allons y venir, inshallah, aujourd'hui, inshallah, tabaraka wa ta'ala, c'est que la personne lira lui-même son registre de bonnes actions ou de mauvaises actions. Là, jusqu'à ce que les criminels diront, يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ils seront exaspérés à savoir que ce livre-là y a été consigné toutes choses en détail. Rien n'est passé à la trappe. Allah tabaraka wa ta'ala fera montrer à ses serviteurs l'ensemble des actes qu'ils ont avancés en bien ou en mal. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Le jour où chaque âme trouvera devant elle présente ce qu'elle aura accompli, en bien ou en mal. Et aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Et chaque âme saura ce qu'elle aura avancé ou retardé. Wa yaqulu Allah jalla wa ala, wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Et ils trouveront dans ce livre tout ce qu'ils auront fait présent sous leurs yeux, et Allah est ton Seigneur n'est pas injuste ou n'est injuste avec personne. Lorsque le serviteur lira son registre dans lequel il trouvera l'ensemble de ce qu'il a avancé, les deux anges justement étaient à ses côtés et avaient pour mission de consigner l'ensemble de ses faits gestes. Ce jour-là, l'homme sera contre lui-même son propre témoin. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lis ton livre, ta propre personne te suffit aujourd'hui comme témoin contre toi. Et Allah dit aussi تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Et lorsqu'on posera le livre de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions, alors c'est là que tu verras les criminels et les malheureux dire « Oh, malheur à nous, qu'est-ce que ce livre qui ne laisse rien au dépourvu et qui a dénombré toute chose ? Il n'a pas laissé une chose infime ou une chose grandiose sans qu'elle ne soit dénombrée dans ce livre. » Ça aussi c'est une preuve où c'est par ce moyen-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala aussi va montrer sa justice en mettant le fils d'Adam devant ses réalités. Troisième chose, les actions seront multipliées, les bonnes actions seront multipliées alors que les mauvaises actions ne le seront pas. Allah dit tabaraka wa ta'ala, من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. Celui qui viendra avec une bonne action, elle prendra 10 fois sa valeur. Quant à celui qui viendra avec une mauvaise action, il ne sera rétribué que d'une seule mauvaise action et ils ne seront point lésés. Regardez la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui multiplie les bonnes actions, mais qui ne multiplie pas les mauvaises actions, et il rétribuera la personne selon ce qu'elle aura fait, avec minutie et équité. Parmi les actes par lesquels la personne peut multiplier ses bonnes actions, ils sont très nombreux, alhamdulillah, rabbil alamin. On peut citer le Coran, la lecture du Coran. Ceci est relatif à un verset à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a dit, celui qui lit le livre d'Allah, pour chaque lettre, il aura 10 récompenses. Il aura à chaque fois une récompense, et à chaque récompense, 10 fois sa valeur. Puis le prophète a dit, et je ne dis pas que alif lam mim, c'est une lettre, mais alif, c'est une lettre, lam, c'est une lettre, et mim, c'est une lettre. C'est-à-dire, pour Alif Lam Mim, 30 hasanat. Aussi, parmi les choses qui multiplient les bonnes actions, et tout ceci, bien sûr, est corroboré par des hadiths, mais pour résumer, Inch'Allah, je vous ai évité, je ne vais pas ramener tous les hadiths, à la Kulhas, sont des hadiths authentiques qui sont connus. Le zikr, zikrullah. Notamment le zikr après la prière. Celui-là, sa valeur est multipliée par 10 fois. Toute personne qui loue Allah tabaraka wa ta'ala, qui glorifie Allah, qui célèbre la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, 33 fois à chaque fois, aura à chaque fois 10 fois la valeur. Et les hadiths sur ça sont nombreux. Parmi les choses qui sont multipliées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, les dépenses dans le sentier d'Allah. Allah dit tabaraka wa ta'ala, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِيلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لمن يشاء Wallahu wasi'un 'alim. La personne qui dépense dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala verra ses biens augmenter et multiplier, et Allah tabaraka wa ta'ala donne sans compter. Aussi, parmi les choses qui amènent la personne à voir ses actions multipliées, tudha'afu al-hasanatu fi 'ala fi mizanihi as-siyam, le jeûne du mois de Ramadan, ou un jeûne surérogatoire, le jeûne ou le jeûneur plutôt verra ses récompenses et son jeûne, la récompense de son jeûne augmenter. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنات بعشر أمثالها إلا سبعمائة ضعف. فقال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Nasa'i et authentifié par Cheikh al-Albani. Le prophète a dit à cette personne, tous les fils d'Adam, leurs bonnes actions sont multipliées de 10 fois leur valeur jusqu'à 700 fois. Puis Allah a dit, sauf le jeûne, il m'appartient et je le récompense d'une manière spéciale. Voici la patience, qui est une vertu avec laquelle ou par laquelle doit s'armer le croyant, surtout à notre époque. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, Allah rétribuera les patients, sabirun, d'un don incommensurable. C'est-à-dire qu'il n'est pas sous la règle des 10 à 700 fois la valeur. Hein, d'un don incommensurable. Aussi, les bonnes actions viennent effacer les mauvaises. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith, je connais certes le dernier à rentrer au paradis et le dernier à sortir du feu de l'enfer. C'est un homme qui se présentera le jour du jugement et on lui dira, présentez-lui l'ensemble de ses petits péchés. Et on lui dira, tel jour tu as fait ceci, et tel jour tu as fait cela. Et il reconnaîtra à chaque fois, ne pouvant nier les fautes qu'il a faites. Et craignant que ses grands péchés soient dévoilés ici. Alors on lui dira à ce moment-là, tu auras à la place de chaque mauvaise action une bonne action. Alors il dira, ô Seigneur, j'ai fait des choses que je ne vois pas ici, c'est-à-dire les grands péchés. Alors Abu Dhar, celui qui rapporte le hadith, a dit, j'ai vu à ce moment-là l'envoyé d'Allah rire jusqu'à faire apparaître ses molaires. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Aussi, parmi les choses qui nous montrent la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que le fil conducteur ce jour-là sera entre la justice d'Allah et sa miséricorde, il y aura les témoins qui viendront. Des témoins contre les fauteurs, contre les mécréants, contre les hypocrites et aussi contre les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala, déjà en premier, va témoigner. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Et Allah, et certes Allah est témoin de toutes choses. Et le témoignage d'Allah suffit amplement. Naam wa kafa billahi shahida. Mais Allah tabaraka wa ta'ala va faire témoigner aussi certaines de ses créatures, parmi eux les prophètes. Et Allah dit à cet effet, tabaraka wa ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et comment serez-vous lorsque nous ferons venir à chaque communauté son prophète, alors que toi nous te ferons venir comme témoin contre cela, c'est-à-dire les gens de ton peuple. Et bien sûr, quand Abdullah ibn Mas'ud a récité ce verset coranique, le prophète écoutait et s'est mis à pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَكُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Puis nous extirperons de chaque communauté un témoin et nous leur dirons maintenant, rapportez vos preuves. Donc les gens, ce jour-là, renieront le fait que des prophètes étaient venus à eux, comme cité dans le hadith de l'imam al-Bukhari, lorsque c'est un hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on appellera ce jour-là Nuh alayhi salam, on lui dira, est-ce que tu as transmis le message? Il dira oui. Alors on demandera à son peuple, et on leur dira, est-ce que Nuh vous a transmis le message? Ils diront non, pour se sauver. Alors, à ce moment-là, on leur dira, ramenez vos témoins sur ce que vous prétendez. Alors ils diront, nos témoins sont Mohammed et sa communauté. Alors on demandera à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, et ils diront qu'un avertisseur est venu à vous et un prophète est venu à vous, en la personne de Nuh alayhi salam. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins sur les gens et que le prophète soit témoin sur vous. Non, les frères. Al-Wasatiya, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, viendra témoigner en faveur ou en défaveur de ces gens-là et au Malkiyam. Aussi, parmi ceux qui viendront témoigner, la terre, les jours, la nuit, ces choses-là viendront témoigner. Ceci est relatif à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Cette terre, la terre, ce jour-là, elle parlera et elle témoignera de ce qu'elle a supporté. كَذَلِكَ الْمَلَائِكَ, les anges témoigneront. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Et chaque âme viendra sur ce jour-là avec un sa'iq, un ange qui va le guider, qui va l'accompagner, ou un shahid, et un témoin aussi. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, les membres de son corps viendront témoigner, et Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sourate numéro 24, verset 24. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et le jour où leurs langues témoigneront contre eux, ainsi que leurs mains et leurs jambes pour ce qu'ils faisaient. Tout ceci nous montre, mes frères, nous montre de façon claire et nette la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que personne n'aura d'argument à faire valoir sur des péchés qu'il aurait commis dans cette vie d'ici-bas. La première chose qui sera demandée concernant le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la prière. As-salam. La première des choses qui sera demandée aux serviteurs concernant le droit d'Allah, c'est-à-dire concernant les actes d'adoration que nous devons rendre à Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la prière. D'après Abi Hurayrata radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. La première des choses par laquelle sera jugé, questionné, interrogé le serviteur le jour du jugement, c'est sa prière obligatoire bien sûr. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Si elle a été bien faite, alors il réussira et sera sauvé. Par contre, si elle était mal faite, alors il périra et sera en perdition. فإن تقص من فريضته شيئا قال رب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيقبل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Si il a eu des déficiences dans sa prière obligatoire, alors le Seigneur tabaraka wa ta'ala dira, regardez, est-ce que mon serviteur a fait des prières surérogatoires? At-tatawwu', c'est un nawafil. Afin qu'il puisse combler les déficiences de sa prière obligatoire. Et c'est ainsi que sera le reste de ses actes d'adoration. Voilà la première chose sur laquelle sera, bien sûr, questionné le serviteur yawm al-qiyamah concernant le droit d'Allah jalla wa'ala. Donc imaginez-vous qu'une personne se présente le jour du jugement et qu'elle n'a pas rempli ce droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment il va se retrouver? Qu'est-ce qu'il va avancer comme argument? Ça c'est une exhortation pour nous de ne pas laisser notre famille comme ça sans faire la prière. Et voilà, on est tous touchés par ça. Même si ce n'est pas des proches de la famille, il y a toujours quelqu'un dans sa famille qui ne fait pas la prière. Donc il faut toujours le rappeler à l'ordre, la nasiha, lui rappeler ce genre de hadith. Quand bien même il ne t'écoute pas dans l'immédiat, il se peut que dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, avant sa mort, il se rappelle de ta parole et tu sois pour lui une cause de délivrance. Concernant maintenant le droit des serviteurs, la première des choses qui sera demandée aux croyants, c'est le sang qu'il a fait couler. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء أو في الدماء. La première des choses qui sera réglée concernant les droits des gens les uns envers les autres, c'est le sang qui est écoulé. A-t-il été écoulé avec justice a-t-il été coulé en droit ou alors a-t-il été coulé, bien sûr, à l'endroit. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Et ça aussi, c'est une grande leçon pour nous, à savoir que nos mains ne doivent pas être imprégnées du sang des musulmans, sauf à bon droit, et que cette chose-là, beaucoup de gens la négligent et sous-estiment la gravité de ceci. Hein? Et pour preuve, tout ce que nous voyons n'est pas comme guerre entre les musulmans qui se déchirent, qui se tuent, et au final, ils devront répondre de tous ces meurtres et de tous ces crimes le jour du jugement. Ibn Hajar a dit, Rahmallah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé la prière en premier concernant son droit et a demandé qu'on règle le sang, les questions de sang, de meurtre, concernant le droit des serviteurs, nous prouve que ces deux choses-là font partie des choses les plus importantes. Non, car Allah a commencé par le plus important, فَإِنَّ الْبَدَاءَةَ تَكُونُ بِالْأَهَمِّ. Aussi, on a ce hadith que vous connaissez tous et qu'il est important de réitérer ici sur le hadith de l'Mouflis. Voilà le hadith, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim d'après la version de Abi Hurayra radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal, sa'ala ashabahu, atadiruna mani l'Mouflis? Faqalu, al-Mouflis indana ma la dinara lahu wa la dirhama wa la mata. Faqal Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, al-Mouflis fi ummati, يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دماء هذا وقتل هذا فيؤخذ من حسناته فتعطى له فإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاته ثم ترح عليه ثم ترح في النار. البروفيت قال صلى الله عليه وسلم connaissez-vous le mouflis? Savez-vous c'est quoi le mouflis? Qui est le mouflis? Aflasa en langue arabe, c'est-à-dire faire faillite. Aflasa yuflisu, al-mouflis mulfa'il, min al-fi'il aflasa. C'est-à-dire quelqu'un qui avait et qui n'a plus, qui a tout perdu. Il a fait faillite. Le prophète a posé cette question aux compagnons. Et les compagnons ont dit tout naturellement, al-mouflis, c'est celui duquel il ne reste plus aucun dinar, plus aucun dirham et plus aucune chose par laquelle il peut jouir. Il a tout perdu. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le mouflis dans ma communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, la zakat, le jeûne, le hajj, toutes sortes de bonnes actions. Mais en contrepartie, il aura insulté un tel, il aura frappé un tel injustement, il aura fait couler le sang d'un tel, il aura tué un tel. Alors, on prendra de ses bonnes actions et on lui donnera, c'est-à-dire on donnera à celui qui a subi l'iniquité. Puis lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions à faire valoir, ou pour se racheter, on prendra des mauvaises actions de celui qui a subi l'injustice, puis on les jettera sur lui, puis on les jettera dans le feu d'enfer. Ceci nous amène à une chose, un hadith très important, qu'on appelle communément le hadith des trois sijillat. السجلات عند الله ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les registres dans lesquels sont consignés les actes des serviteurs sont de trois sortes le jour du jugement auprès d'Allah. سجل لا يعبأ الله به لعبده وسجل لا يغفره الله تبارك وتعالى وسجل لا يترك الله تبارك وتعالى لعبده منه شيئا. Les registres sont de trois sortes. Un duquel Allah tabaraka wa ta'ala ne tiendra pas rigueur. Deux, un qu'Allah ne pardonnera pas. Trois, un qu'Allah ne laissera pas. Puis le prophète a expliqué sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le registre sur lequel Allah ne tiendra pas rigueur, c'est tout ce qui concerne les actions entre le croyant et son créateur. Il n'en tiendra pas rigueur dans le sens où Allah peut te châtier comme il peut te pardonner. Tabaraka wa ta'ala. C'est entre toi et lui, et ça relève bien sûr de la volonté d'Allah, Jalla wa Ala. Tu as été déficient en tes prières, il se peut qu'Allah te châtie, il se peut qu'Allah te pardonne, tabaraka wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, certes, mais en dessous de ça, il pardonne à qui il veut. En dessous du shirk, on est sous la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou bien il châtie, ou bien il pardonne. Ça, c'est un type de registre. Ce sont tous les actes entre toi et ton créateur. Celui qu'Allah ne pardonne pas, c'est le registre du shirk et de la mécréance. Allah ne te le pardonne pas, tabaraka wa ta'ala. Tous les actes de shirk que tu as fait, si tu es mort dessus sans avoir fait un repentir avant, alors ce registre-là, Allah ne te le pardonne pas et tu t'éterniseras en enfer. Et le troisième, c'est un registre qu'Allah ne laissera pas passer. C'est celui qui concerne le droit des créatures les unes envers les autres. Et celui-là, on ne pourra pas y échapper. Et malheureusement, beaucoup de musulmans négligent ce troisième, pensant que lorsqu'ils font du tort à quelqu'un, il leur suffit de dire « Astaghfirullah wa atubu ilayhi » pour que la chose soit finie, hein, pour que le dossier soit classé. Peut-être que Allah t'a pardonné, mais il reste le tort que tu as fait à cette personne, comment tu vas le réparer? Si tu ne le répares pas dans cette vie-là, c'est sûr et certain qu'il te demandera, que cette personne-là qui a subi cette injustice, Afwan, elle te demandera de réparer ton tort. Et elle ne te fera aucune pitié. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Imaginez-vous que le père fuira son enfant, ou l'enfant fuira son père, sa mère, son épouse. Que dire alors d'une personne qu'il ne connaît même pas ou qu'il connaît de loin? Croyez-vous qu'il va lui faire des cadeaux? Jamais. Il va récupérer son droit. Donc, ce registre-là, Allah tabaraka wa ta'ala ne le laisse pas passer. Et il va y avoir ce qu'on appelle al-iqtisas, c'est-à-dire le talion, ce genre-là. Donc, tu es mort avec des dettes, tu ne les as pas remplies. Ou alors, tu insultes des gens, tu n'as pas réparé ton tort. Ou alors, tu as commis des injustices. Ou alors, tu les as tués. Ou alors, tu as commis des actes de sorcellerie, comme c'est fréquent à notre époque. Naam. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font à notre époque? Ils partent plus dans l'affront. Naam. C'est des peureux, en général. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les devins et les sorciers, les marabouts, les frits. Naam. Et puis, ils vont faire voir quelque chose contre lui. Naam. Ça, c'est super fréquent. Et ça, bien sûr, il devra répondre de ses actes yawm al-qiyama, car ceci a été consigné dans le livre de ses mauvaises actions. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamati. Prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'injustice le jour du jugement sera comparable à des ténèbres. Imaginez-vous que Allah tabaraka wa ta'ala va demander à ce que chacun ne soit pas lésé dans ce qu'il a pu subir comme injustice et que tous les torts soient réparés. Même les animaux aussi passeront par là. Allah dit tabarak, ou le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yahshuru al-khalqa kullahum kulla dabbatin wa ta'irin wa insanin yakunu lil-baha'imi wa tayir kunu turaba. Ça, c'est ce qu'a rapporté Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, et qui c'est une chaîne de transmission qui remonte à Abi Hurayra. C'est-à-dire qu'Allah rassemblera ce jour-là l'ensemble de ses créatures, toutes bêtes, toutes oiseaux et tous les hommes, et il dira au final aux animaux et aux oiseaux, devenez poussière. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Tous les droits seront restitués à ses ayants droit le jour du jugement, et on fera venir la chèvre qui n'a pas de corne à celle qui en a. Même ceci ne sera pas lésé. La chèvre qui n'a pas de corne sera présentée devant celle qui en a. Imaginez-vous. Ici, ce n'est pas pour qu'elle lui rende son droit. C'est juste pour faire montrer et pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala manifeste sa justice. Même pour les animaux. Que dire alors des hommes? Donc, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, on fera lire à chaque personne son registre. Et il le lira lentement. Avec un goût amer dans la bouche. Avec un cœur rempli d'effroi. Car la personne, lorsqu'elle va lire son registre, elle ne saura pas la destination dans laquelle elle va finir. Alors, il lit, mais il est dans l'expectative. Il ne sait pas qu'est-ce qu'Allah va faire de lui, tabaraka wa ta'ala, au final. Et parmi aussi les événements que nous a rapporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant ce moment-là, c'est que il y aura un homme le jour du jugement qui viendra avec 99 registres pleins de mauvaises actions à perte de vue. 99 registres de mauvaises actions à perte de vue. Alors on lui ramènera ces registres et lorsqu'il verra ceci, il sera effrayé et presque il désespérera de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors on lui dira Alaka min dhalika min hasanat, est-ce que en face de ça tu as des hasanat à faire valoir? Fayuhabu ar-rajulu fayaqul la ya rabbi. Et il dira Fayuhabu, c'est le terme qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira presque par honte, non, je n'ai rien à faire valoir comme bonne action. Alors on lui dira la bal indalaka indana hasanat. Non, mais au contraire, tu as des hasanat, au pluriel, hasanat. Écoutez bien, parce que c'est important que je le mette au pluriel. D'ailleurs, il est au pluriel dans le hadith. Et on verra qu'à travers ce hadith-là, il faut répondre à certaines ambiguïtés qui tournent chez les musulmans. Alors, on lui dira, non, tu as auprès de nous des hasanat. Alors, on lui ramènera une bitaqa, une espèce de riqa, une carte ou un morceau de papier, dans lequel sera inscrit la ilaha illallah, et on lui dira à ce moment-là, pose cette bitaqa sur le plateau de la balance des bonnes actions, avec le peu de hasanat que tu as, et pose tes registres dans l'autre plateau, sur l'autre plateau de la balance. Fatashat al-sijillat, fatusqilu kalimatu la ilaha illallah, ou fatusqilu al-bitaqa. Donc, la balance va s'alourdir, ou le plateau des bonnes actions va s'alourdir, et les registres vont partir, vont s'élever. Parashat, c'est-à-dire que devant kalimat la ilaha illallah, il n'y a pas de mauvaises actions, ou elles n'ont aucun poids devant kalimat la ilaha illallah. Alors, cet homme-là au final rentrera au paradis. Or, ce hadith-là, il pose problème chez certaines personnes, car ils disent que il suffit à la personne qu'elle prononce la shahada, qu'elle dise la ilaha illallah, pour alhamdulillah être sauvée le jour du jugement. Au regard de ce hadith, regardez cette personne, il avait dit la ilaha illallah, il avait une montagne de péchés devant lui. Au final, Allah tabaraka wa ta'ala l'a pardonné. Alors ils disent, le fait de dire la ilaha illallah, ça suffit pour que tu sois croyant. Ou alors, ça suffit, ça te dispense de faire les actes. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Alors comment on répond à ceci? Premièrement, on dit que cet homme-là, il avait cette bonne action de la ilaha illallah. N'est-ce pas? Bonne action à condition qu'il l'ait dit comment? Avec ikhlas et sincérité. Mais ikhlas, il doit s'exprimer. Pourquoi? Car si ce n'était pas le cas, alors les hypocrites aussi seraient concernés par ce hadith, puisqu'ils disent aussi la ilaha illallah. Alors nous savons très bien que les hypocrites ne sont pas concernés par ce hadith. Donc, ça implique forcément qu'il l'ait dit bisitrin wa ikhlas, avec honnêteté, loyauté et avec sincérité. Deuxièmement, ce hadith-là n'est pas une règle générale. Pourquoi? Car si c'était une règle générale, alors tous les mouahidines, tous ceux qui sont sur le tawhid et qui disent la ilaha illallah seraient concernés par ce hadith, n'est-ce pas? Or, nous savons que, d'après les hadiths authentiques, qu'il peut y avoir des mouahidines qui rentreront en enfer à cause des péchés qu'ils auront faits, pour y ressortir par la suite. Donc ce hadith-là nous prouve une exclusivité, un fait ponctuel d'une personne précise. Là, un fait ponctuel qui mérite quoi? Que le prophète le cite en aparté. S'il rentrait dans la règle générale, il n'aurait pas cité le cas de cet homme séparément des autres. D'accord, les frères? Troisièmement, nous avons dit aussi dans ce hadith que il avait des hasanat, puisque Allah tabaraka wa ta'ala a dit bala inna indaka lana hasanat. Tu as auprès de nous des hasanat. c'est-à-dire qu'il faisait des hasanat. Il faisait des hasanat, mais lorsqu'on lui a posé la question, il a dit, je n'en ai pas. Pourquoi ? Fayahabu, comme a dit le prophète, il a eu honte devant l'ampleur des péchés qu'il avait, il a eu honte devant son Seigneur de dire qu'il en avait. Donc il a préféré dire, je n'en ai pas. Ce serait comme faire offense, ou faire preuve d'arrogance de dire que j'ai des hasanat devant 99 sijillat remplis de péchés. Donc tout ce que je vous cite ici sont les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc la seule éventualité qui reste, et c'est la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah en conclusion de ce hadith, c'est que cette personne-là en fait, et c'est une éventualité qui est plausible, c'est qu'elle a fait de nombreux péchés. Et qu'à un moment donné de sa vie, elle a dit « La ilaha illallah » avec sincérité et avec véracité, en étant véridique dans son cœur et dans ce qu'il a fait montrer de ses actes extérieurs. Et en plus de ça, il n'a pas fait taouba, il ne s'est pas repenti de ses anciens péchés. Voilà pourquoi ils lui sont été présentés dans le livre de ses mauvaises actions. Car s'il avait fait taouba, s'il avait fait un repentir, ses mauvais péchés lui auront été changés en bonnes actions. Donc tout ça pour dire, mes frères, que ce hadith-là, on ne peut pas l'utiliser pour justifier le fait que la personne peut se passer de faire des actes tant qu'il dit « La ilaha illallah » il sera sauvé. Non. Et d'ailleurs, nous avions dit que « La ilaha illallah » c'est l'attestation qui implique des actes. Il est impossible qu'une personne dise avec sincérité et véracité « La ilaha illallah » et qu'il ne fasse rien. La croyance des gens de la sunna, « Aqidatu ahli sunnati wal jama'a, at-talazum bayna al-zahiri wal batin » Il y a une corrélation étroite entre l'extérieur et l'intérieur. Là, mes frères. Donc ce hadith de Bitaqa aussi fait partie des événements qu'il y aura, qui auront lieu à ce moment-là. À retirer de ce hadith, c'est quoi, mes frères? C'est que le tawhid, ou que la réalisation du tawhid, et d'ailleurs c'était l'objet de mon propos au début de l'intervention, c'est que le tawhid et la réalisation du tawhid pèsent lourd sur la balance. Pèsent très lourd sur la balance des bonnes actions. Donc les gens liront leurs livres, ils liront leurs livres de bonnes et de mauvaises actions. Et à ce moment-là, après que les gens se soient annihilés et inhibés leurs torts les uns envers les autres, lorsque la loi du talion sera effectuée, sera effective, alors dans ce cas-là, on donnera le livre à chacun, soit de la main droite, soit de la main gauche, ou de derrière le dos. Divergence chez les savants. Certains disent qu'il y a trois. Un qu'il recevra de la main droite, le deuxième de la main gauche, et le troisième dans le dos. D'autres disent non. Les premiers le recevront de la main droite, les deuxièmes le recevront par la main gauche, mais de derrière le dos. Pourquoi de derrière le dos? Car ils ont tourné le dos au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. El jaza'u min jinsil amal. C'est-à-dire les récompenses seront toujours en nature ou en fonction de la nature de l'acte que tu as commis. Tu t'es détourné du livre d'Allah dans cette vie-là, alors tu recevras le livre de tes mauvaises actions derrière le dos. Comme tu avais mis le livre d'Allah derrière le dos. Alors, ce jour-là, les types de jugements, ou à ce moment-là, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en parallèle à ce que je viens de dire, sont de plusieurs formes. Il y aura pour certains un jugement difficile, pour les mécréants et pour les hypocrites. Ou alors un jugement sans jugement, c'est-à-dire des gens qui ne seront ni jugés ni châtiés. Ou alors un jugement facile, pour une certaine catégorie de personnes. Le jugement difficile, mes frères, on fera agenouiller les gens, tous les serviteurs. Et le premier qu'on fera lever est un homme qui aura appris le Coran par cœur. et qui aura appris les sens du Coran, et qui se sera mis à, et qui s'était mis à quoi? À l'enseigner et à le propager. Puis on fera lever une deuxième personne, une personne qui a combattu et qui est mort dans le sentier d'Allah. Puis on fera lever une troisième personne qui dépensait beaucoup dans le sentier d'Allah, de ses biens. Alors le premier, on lui dira, qu'as-tu fait pour moi? Il dira, j'ai lu le Coran, je l'ai appris et je l'ai enseigné. Et on lui dira, pour qui as-tu fait ça? Il dira, je l'ai fait pour toi. Et on lui dira, tu es un menteur, tu l'as fait pour que les gens disent de toi que tu es un lecteur. Pour que tu es un qari, pour que tu sois un qari. Alors, celui-là, on le traînera, on le jugera et il ira dans le feu de l'enfer. Donc c'est un jugement difficile. Pareil pour la personne qui aura combattu dans le sentier d'Allah, en apparence bien sûr, on lui dira, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il dira, j'ai combattu dans ton sentier, afin que ta parole soit la plus haute. Et on lui dira, tu es un menteur, tu as combattu pour que les gens disent de toi que tu es courageux. Alors celui-là aussi aura un jugement difficile. Et la troisième personne, il aura dépensé ses biens et on lui demandera, il dira, je les ai dépensés dans ton sentier. Et on lui dira au final, tu es un menteur, tu les dépensais pour que les gens disent de toi que tu es un sari, c'est-à-dire quelqu'un de prodigue, quelqu'un qui donne. Aussi parmi ceux qui auront un jugement difficile, al-mushrikun wal-kuffar. Fayawma yunadihim fayakoun aina shuraka'ukum alladhina kuntum ta'budun. Et lorsqu'on les appellera, on leur dira, où sont vos divinités et vos associés que vous adoriez en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. Et vous attribuez, ce dont vous ne connaissez pas, une part de ce que à autre, d'une part de ce que nous avons attribué, par Allah, vous serez questionné sur vos mensonges. Ça, c'est un jugement difficile, c'est-à-dire que les choses iront de pire en pire pour eux. Aucune issue. Et nous avions vu la semaine dernière que pour le jugement des koufars, le fait de les juger, en fait, de premier abord, n'a aucun sens, puisque leur destination est déjà ficelée, déjà décidée. Ils iront dans le feu de l'enfer. Par contre, à titre de réprimande, à titre de blâme, et aussi pour montrer la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils seront jugés devant tout le monde. Ça, c'est ceux qui auront un jugement difficile. Donc, ce sont tous les mushrikim, kuffar, tous ceux qui ont agi, munafiqun, qui ont agi par ostentation, et qui n'ont pas agi pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceux qui seront jugés sans jugement, bien sûr, ça c'est corroboré par un hadith du prophète, 70 000 de ma communauté qui rentreront au paradis sans rendre de compte et sans se faire châtier. Or, dans ces 70 000, pour chaque 1000, il y aura encore 70 000. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Thawban et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallah tabaraka wa ta'ala, « لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّةِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابٍ Ma'akulli alfin sab'una alfin. Donc, pour chaque tranche de 1000, à chaque fois, pour ces 70 000, il y aura 70 000. Donc, vous ferez le calcul, inshallah, tabarak wa ta'ala. Donc, ça, bien sûr, à l'échelle de l'humanité entière, c'est une poignée. Vous pouvez les compter même sur les doigts d'une main. Là, c'est insignifiant. Bien sûr, ceux-là seront, awhum safwatul khalqi, sont parmi eux les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les meilleurs des créatures. Et enfin, il y a ceux qui auront un jugement facile. Ce sont en fait ceux dont on ne discutera pas sur leur compte et on ne cherchera pas les détails sur leur compte. Là, je reprends ces termes exprès car ils sont relatifs à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on leur présentera leurs péchés. Et au final, on leur pardonnera. On leur dira, tu as fait ceci, sans rentrer dans les détails. Et à chaque fois, il reconnaîtra, et on dira au final, ou on leur pardonnera leurs péchés. Cela en gros, un jugement facile. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui à qui on remettra son livre de la main droite, celui-là alors, c'est celui-là qui bénéficiera de quoi? D'un jugement facile. Non. Quant à celui à qui on remettra le livre de la main gauche, celui-là aura un jugement difficile et très douloureux. Parmi ceux qui auront un jugement facile, il y a ce hadith magnifique de Abdullah ibn Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول أتعرف ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا فيقول نعم إي وربي حتى إذا قغرره بذنوبه رأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلعنة الله على الظالمين. Le hadith numéro 2768 du Sahih al-Bukhari. Donc, Abdullah ibn Omar, radiallahu tabaraka ta'anhuma, a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, ce jour-là, Allah rapprochera le serviteur de lui-même, ou rapprochera de lui son serviteur, et il dressera sur lui son voile, il le cachera aux yeux des gens. Et il lui dira, reconnais-tu tel péché, des péchés qui ont été dénombrés dans le livre de ses mauvaises actions. Alors il dira, et il ne pourra que reconnaître au final, il dira, oui, par, bien sûr, par mon Seigneur, je reconnais tout ceci. Jusqu'à ce qu'Allah lui fera reconnaître tous ses péchés. Et la personne sera presque persuadée qu'il ira, qu'il sera voué à la perdition. Et Allah lui dira, je te les ai cachés dans cette ville ici-bas, et je te les pardonne aujourd'hui. Alors on lui donnera le livre de ses bonnes actions, de la main droite bien sûr. Quant aux mécréants et aux hypocrites, alors al-ashhad, les témoins diront, ceux-là ce sont ceux qui ont menti sur leur Seigneur, que la malédiction s'abatte sur les injustes. Donc vous voyez que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque il juge son serviteur croyant, musulman, quand bien même il a fait des péchés, il ne dévoile pas ses péchés aux yeux de tous. Mais c'est une assise privée entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'il préserve son honneur. Et c'est ainsi que doit être le croyant dans cette vie-là. Il préserve l'honneur de ses frères, il ne divulgue pas ses péchés, ses fautes, ses défauts. Comme ceci est courant dans la communauté. Mais il doit cacher. Et quand tu cacheras une chose de ton frère, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala te cachera tes défauts et en va le qiyam. Après que chacun aura lu ce registre, après que chacun sera confronté à ceux qui ont subi des injustices de leur part, chacun aura reçu son livre, soit de la main droite, soit de la main gauche. Et là, on donnera le livre à chacun. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَكُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَ كُتُوفُهَا دَانِيَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Donc ça c'est concernant le croyant qui recevra son livre de la main droite. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Donc cette personne-là, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevra son livre de la main droite et il partira vers le groupe de ceux qui avaient déjà reçu le livre de la main droite en levant son livre très haut dans le ciel, fier de lui, le visage rayonnant en disant « Regardez mon livre, j'ai été sûr d'y trouver mon compte. » Et Cheikh Al-Athaymin donne cette image. Il dit « Regardez quand une personne elle réussit un examen important et qu'il est fier de le montrer à tout le monde. » Et il le crie sur les toits, comme on dit. Alors que quand il rate son examen, il part tête basse et il veut que personne ne lui parle. Ça, c'est pour un examen futile dans cette vie-là. Que dire alors Yom Al-Qiyam? Ou ce livre-là, lorsqu'il te sera remis de la main droite, il scellera ton sort et t'annoncera la bonne annonce du paradis et vice-versa. Alors, celui-là, il partira vers les autres. Il dit... Qui es-tu? Il dira, je suis un tel fils d'un tel et j'ai reçu le livre de la main droite. Et les gens lui diront, bonne annonce pour toi. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte, hélas comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Puis on dira, saisissez-le, puis mettez-le. Mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le très grand, tabaraka wa ta'ala. Celui-là retournera tête baissée, le visage noirci par l'humiliation, et il retournera vers ceux à qui on avait déjà donné le livre de la main gauche, et il dira, je suis un tel fils d'un tel, malheur à moi. Et il invoquera la destruction d'Allah sur lui, tabaraka wa ta'ala. Salamata wa al-afiyah. Allah dit tabaraka wa ta'ala. Après ceci, à ce moment-là, lorsque chacun aura reçu son livre, on dressera les balances. Et le fait que les balances soient dressées à ce moment-là nous montre que elles viennent mettre en évidence la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à l'ensemble de ses créatures, car les comptes, en fait, sont avant les balances, car les personnes, les croyants et les non-croyants, se devaient de reconnaître tous leurs péchés, avant qu'ils soient pesés sur la balance. Donc la balance, elle va servir à quoi? À mesurer le degré de tes bonnes actions et le degré de tes péchés. Après que tu les aies reconnus et que tu aies témoigné pour toi-même ou contre toi-même. Voilà pourquoi la balance est venue après le hisab. Donc, les balances viendront quantifier les bonnes actions et les mauvaises actions et chacun sera récompensé en conséquence. Allah dit tabaraka wa ta'ala. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Puis nous dresserons les balances de la justice et de l'équité le jour du jugement. Et Allah dit tabaraka ta'ala, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ فِي فَأُولَٰئِكَ هُمْ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ اللَّهُ مُسْتَعَانٌ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Celui dont la balance sera lourde de bonnes actions, alors cela seront les ceux qui réussissent, et ceux dont la balance sera légère de bonnes actions, alors ceux-là seront ceux qui se seront fait du tort et ont causé leur perte et la perte de leur famille dans le feu de l'enfer éternel. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la balance, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, dans la version de Abi Hurayra radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, kalimatani, habibatani ila rahman, ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Prophet a dit صلى الله عليه وسلم, deux paroles qui sont aimées auprès du tout miséricordieux et qui sont lourdes sur la balance des bonnes actions. Adamotin al-Shahid, elles sont lourdes sur la balance des bonnes actions et elles sont légères à prononcer sur la langue. C'est subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Et le prophète a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari ou Abi Malik ibn Asim al-Ash'ari, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, at-tahuru shatru al-iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan. At-tahuru représente la moitié de la foi. Tahur ici c'est la pureté rituelle ou la pureté conceptuel, physique ou conceptuel, selon comment on comprend le hadith. Et ce qui est important de noter dans ce hadith, c'est quoi? C'est la parole du prophète, walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Et la parole alhamdulillah vient remplir la balance des bonnes actions. L'imam al-Safari, rahmallah tabaraka wa ta'ala, a dit qu'il y a ijba' des savants et des gens de la sunna sur le fait qu'Allah dressera les balances au jour du jugement. Ce sont des balances authentiques, ce ne sont pas des métaphores, comme disent certains, disant que la balance, le jour du jugement, est une métaphore de la justice d'Allah et de son équité. Ce sont des balances authentiques. Et Abdullah ibn Abbas a dit, Al-Mizan ou Lahu Kifatan et Walisan. Al-Mizan, elle aura deux plateaux, et Lisan, c'est-à-dire une aiguille, qui va pouvoir mesurer exactement le bien ou le mal, le pour ou le contre. Qu'est-ce qui sera pesé sur les balances? Trois choses. La première, les actes des serviteurs seront placés sur les plateaux des balances, en bien ou en mal. Le hadith que je vous ai cité en est une preuve. Le hadith de Abi Hurayra, deux paroles, celui qui les prononce, enfin, deux paroles qui sont aimées auprès du tout miséricordieux et qui sont lourdes sur la balance des bonnes actions. Alhamdulillah, les preuves sur le fait que les actes des serviteurs seront pesés sont nombreux et profus dans le Coran al-Karim. Aussi, ce qui peut être pesé sur la balance, c'est al-Abil, l'acteur de l'acte lui-même. Ceci est corroboré par un hadith authentique qui a été rapporté entre autres dans Irwa al-Ghalil par Cheikh al-Bani, rahmallah tabaraka wa ta'ala, où Abdullah ibn Mas'ud dit qu'il était monté sur un arbre, l'arbre de l'Arak. L'Arak, c'est l'arbre prend le siwak, en fait. Alors qu'il était monté sur cet arbre-là, il y avait un vent violent, et ses jambes, il essayait de s'accrocher à cet arbre-là, et ses jambes, volaient au vent. Car c'était quelqu'un qui était chétif, Abdullah ibn Mas'ud, quelqu'un qui était maigre, et pas très grand de taille. Alors, compagnon, voyant cette situation, rigolèrent, et le prophète leur a demandé « Pourquoi rigolez-vous ?» Ils ont dit « Nous rions de la finesse des jambes de Abdullah ibn Mas'ud. » Alors le prophète a dit « Sallallahu alayhi wa sallam, « Fawallahi, innahuma la athqalu fil mizani yawm al-qiyamati indallahi min jabali Uhud. » Par Allah, elles sont plus lourdes que la montagne de Uhud le jour du jugement sur la balance.